La boussole. Arcadia. On n'est pas dans le cadre que les minomimes. Arcadia, mais les gaz touchent l'éternité comme les Elohim. Cette planète est trop petite, j'suis plein de bonnes intentions. Éléphant de porcelaine, l'impression d'être Yaoming. Pour seule ambition, être un mec solide. Trima à la pompe, voit son morlinx vidé par hectolitre. Dieu m'a émorné, dernier effort reste tonique. J'étais déjà un vieux con bien avant l'invention de la tectonique. J'suis pas défiant, juste joue défensif comme des viandes. Rêve d'aventure divine comme avant, prendre les devants sans être devin. Cherche les privilèges qu'on m'apparaît-il octroyé. Petit MC nous parle galère, il a jamais eu à payer le loyer. J'ai connu que le béton, pas grandi dans plus palme olive. 15 fiches que je galère à faire 3 copettes, demande aux potes olives. Y'a eu des hauts et des bas, les chèques ça me connaît, j'suis fan d'Enix. Et comment vais-je nourrir ma gamine avec le smic. J'suis pas issu des secs, j'suis inspiré que dans le doute. Par route d'honneur, ce sera la victoire ou la banqueroute. Arcadia, ce sera la victoire ou la banqueroute. La victoire ou la faillite, moi trop de fois j'ai failli. Insaisissable et solide, un peu comme Redouane Faïd. En manque de fric everyday, la vie c'est pas un kinder. Pas attendu les grinders afin de savoir effriter. En vrai le bonheur est si près, bien caché au fond du cœur. Alors moi c'est quand je suis seul que je goûte la sérénité. Rien ne sert de m'imiter, dans mes idées je suis limité. Ça saurait si je rappais pour Vesky la précarité. Arcadia, sera un projet intemporel. Les groupies parlent temps pour elle, je rapperai tant que je pourrais. MC de l'ancienne école, ma rime n'est pas là pour décorer. Sans déconner, quand je kick, je donne du caviar à décorer. Pas de la même catégorie, on fait tout pour cadrer nos tirs. Le moral anéanti, du coup je gueule en étant gentil. La boussole, 4 flèches pour nous aiguiller. Trop de larmes à essuyer, mais au moins on n'est plus tout seul. On n'est plus tout seul dans nos têtes, les regrets résonnent. On met du sel sur nos plaies pour mieux qu'elles se résorbent. C'est jamais seul que les problèmes viennent. Amateur de ces moments où les pros deviennent blêmes. J'ai vu la taille vite, me suis pas reconnu dans le miroir. J'suis plus sûr d'y voir clair, putain quelle vie. Défaitisme loin, j'ai eu le déclic, j'ai fait le tri. Y'a pas que les ordures qui retrouvent leurs rêves à la déchetterie. Laisse-moi quand même déchanter. Hors des sentiers battus, j'en ai pas que les déchantiers. Ma chute, je l'ai subi mais je l'ai présenté. Je remets les choses dans l'ordre, donc réussite à présenter. Quand je suis le seul qui trinque, je vois que tu portes des doses. Là c'est le seum qui te cause, je veux pas devenir craint. Je me rappe petite dose, j'essaie de revenir loin. Mais comme en 2001, je n'ai que des demi-proses.